L'actualité à Nancy et ailleurs. À l'occasion du mois de l'insertion par l'activité économique, découverte de l'ortie en compagnie de Guillaume Desmazeaux, son directeur. Bonjour. Bonjour. L'ortie, ça existe depuis 1997 et ça fait partie du réseau des jardins de Cocagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le cœur de votre activité ? Effectivement, présent depuis 25 ans sur le territoire. Alors, on est ce qu'on appelle un jardin de Cocagne. Il y en a une centaine en France. Et donc, nous sommes un chantier d'insertion basé sur Malzéville. Quatre principes par rapport au jardin de Cocagne. Donc, on a une exploitation maraîchère où on récolte des légumes bio. On fait de l'insertion, effectivement, donc avec des publics en difficulté. On vend majoritairement notre production sous forme de paniers de légumes. Même si on diversifie ces modes de commercialisation, on pourra y revenir et on travaille en local, en partenariat avec de nombreuses autres structures agricoles. Alors, pour parler peut-être déjà de cette partie insertion, si vous voulez, vous avez donc plusieurs personnes qui sont en contrat d'insertion. Comment ça se passe ? Oui, donc on accueille à l'année environ 70 personnes en parcours d'insertion. Donc, c'est d'une durée de 2 ans maximum, où donc on accueille un public qui est en difficulté, qui est assez large. Ça peut être des personnes qui viennent de pays étrangers, qui ne maîtrisent pas la langue française, l'écrit ni l'oral, un public de jeunes, de bénéficiaires de minima sociaux, de travailleurs handicapés. Voilà, pour un public, en fait, un grand public, et on peut dire que tout le monde, à un moment donné dans sa vie, peut avoir recours à un chantier d'insertion. Et avec une activité telle que la vôtre, ça permet de briser des barrières de langage, d'expression ? Oui, oui, c'est vrai qu'on a des supports d'activités environnementaux, donc maraîchage et entretien d'espaces verts qui nous permettent de faire pas mal de parallèles, de reconstruction dans les parcours et donc des prétextes aussi à travailler du vocabulaire lié à l'activité, mais lié également à l'insertion professionnelle. C'est donc le mois de l'insertion par l'activité économique. Qu'est-ce que ça représente pour une structure telle que la vôtre ? Ça permet quoi ? Ça permet une mise en lumière de notre activité. C'est vrai qu'on est assez peu médiatisé, on va dire, dans le milieu de l'insertion par l'activité économique. Donc une mise en lumière pour des publics qui pourraient intégrer nos structures, pour des partenaires prescripteurs qui nous orientent des publics, par rapport à des entreprises aussi qui peuvent travailler avec nous déjà actuellement ou qu'on ne connaît pas encore. Donc voilà, comment sur le territoire on peut développer différents liens, que ce soit sur l'emploi ou sur d'autres choses, parce qu'on est sur des sujets notamment d'animation, animation de jardin, animation culinaire. Et voilà, on peut proposer d'autres services sur le territoire. C'est des services qui se sont développés au fur et à mesure des années, parce que là, vous l'avez dit, hein, vous êtes là depuis 25 ans maintenant. Donc, vous avez développé d'autres services tels que ceux-ci ? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on a débuté par notre activité de maraîchage bio. Très vite, on a développé une deuxième activité d'entretien des espaces verts. Et depuis peu, on est sur différentes animations. Donc, on monte des jardins, on crée des animations, notamment avec le service pénitentiaire, donc en centre de semi-liberté, en maison d'arrêt. On aide des étudiants à co-construire des jardins partagés. On est sur des animations culinaires. On flèche une partie de notre production aussi sur des canaux solidaires, tels que, alors on a deux opérations, panier solidaire, c'est-à-dire qu'on vend des paniers moins chers à des personnes qui sont en difficulté, et on anime en parallèle des ateliers culinaires. Et on a une action qui va débuter très très prochainement, donc qui s'appelle Place à vivre, vivre au pluriel du coup avec un S. Et là, donc c'est un approvisionnement de légumes et fruits bio, ainsi que d'autres produits dans les quartiers prioritaires de la ville. Et on mène également des ateliers culinaires, donc pour aller au plus proche des habitants. Pour revenir sur ce nouveau projet Place à vivre, c'est né comment l'idée ? Alors l'idée donc vient de voilà comment on peut distribuer des produits bio, locaux et solidaires du coup à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'en consommer et qui n'ont pas forcément les moyens. Donc on avait cette opération de panier solidaire, mais voilà, ça atteint ses limites au niveau de la quantité. On peut guère aller plus loin. Donc là, c'est comment on peut dupliquer notre magasin en interne pour aller directement dans les quartiers avec notre même gamme de produits, mais à des prix préférentiels. Pas mal d'activités, hein, ça s'est pas mal diversifié. Donc pareil, toujours avec ce souci d'accueillir des personnes en insertion, ça reste bien sûr le cœur de votre activité aussi, et de ce souci aux autres. Oui, c'est le cœur de nos préoccupations. Et à chaque fois qu'on imagine une activité, derrière, on l'imagine avec des personnes en parcours d'insertion. Et ce qui nous anime, c'est créer de l'emploi d'inclusion sur le territoire. Alors, on peut inviter les auditeurs à se rendre sur votre site qui est lortie.cocagnebio.fr. En tapant dans un moteur de recherche, on vous retrouve extrêmement facilement. Par rapport à ce mois de l'IAE, il y a une exposition, l'emploi, l'art et la manière, l'insertion a du talent. Est-ce que vous y participez? Oui, on y participe. Donc, on est en train de le construire avec l'équipe. Voilà, donc il y aura différentes photos d'exposer et on est en train d'y réfléchir avec toute l'équipe. Voilà, donc ce sera une exposition qui sera visible jusqu'au 8 juillet à l'hôtel du département, au 48 Esplanade Jacques Baudot à Nancy, bien entendu. Merci beaucoup. Un dernier mot peut-être? Alors l'ortie, on n'a pas parlé du slogan, donc c'est « Ensemble, cultivons la solidarité ». Donc c'est vrai qu'on est sur différentes thématiques à l'ortie. On nous connaît effectivement pour l'insertion des publics qu'on accompagne. On est un acteur de l'agriculture du coup en local, en maraîchage. On entretient les espaces verts. On est sur des animations. Voilà, donc on a différentes portes d'entrée. Et donc il faut pas hésiter à nous solliciter. Voilà, et à venir à votre rencontre. Vous êtes ouvert comment? Alors dans les bureaux, on est ouvert du lundi au vendredi. Sinon, sur la vente, donc on a un magasin en interne qui est ouvert le mardi, jeudi, vendredi de 11h à 19h et le samedi matin de 9h à midi. On est présent sur le marché de Malzéville également tous les mercredis après-midi. De multiples occasions de venir à votre rencontre et de vous soutenir. Merci beaucoup Guillaume Desmazo. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.